Le mieux serait sans doute que je commence à mettre le couvert, mademoiselle. Oui, faites. Le pasteur ne devrait pas tarder. N'êtes-vous pas en plein courant d'air, mademoiselle? Si, un peu. Vous voulez bien fermer? Non mais, n'est-ce pas le pasteur qui passe là-bas? C'est ça? Oui, c'est lui. Écartez-vous, il ne faut pas qu'il nous voie. Pensez donc, mademoiselle, il recommence à prendre le chemin du moulin? Avant-hier déjà, il a pris le chemin du moulin. Mais nous allons bien voir. Va-t-il oser franchir la passerelle? C'est ce que je veux voir. Non, il fait demi-tour. Il prend par le haut, aujourd'hui encore, un long détour. Mon Dieu, oui! Ça doit être difficile pour lui de franchir cette passerelle. Là où pareille chose est arrivée, là... Ils s'attachent longuement à leur mort ici, à Rosmersholm. Je crois plutôt, mademoiselle, que ce sont les morts qui s'attachent longuement à Rosmersholm. Les morts? Oui. Autant dire qu'ils ne veulent pas se séparer entièrement de ceux qui restent. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Bah, autrement, ce cheval blanc ne viendrait pas, que je sache. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de cheval blanc, madame Elset? Oh, ça ne vaut pas la peine d'en parler. D'ailleurs, vous n'y croyez pas, ces choses-là. Mais vous, vous y croyez? Je ne veux pas que la demoiselle se moque de moi. Non mais, n'est-ce pas à nouveau le pasteur, là-bas, sur le chemin du moulin? Cet homme-là? Mais c'est le proviseur. Oui, vrai. C'est le proviseur. Ah, voilà qui est plaisant. Vous allez voir qu'il vient nous rendre visite. Il prend tout droit par la passerelle, lui. Et pourtant, c'était sa propre sœur. Oh, je vais aller dresser la table, mademoiselle. Chère madame Elset, vous trouverez bien quelque chose de bon à mettre sur la table. Vous connaissez les goûts du proviseur. Mais oui, mademoiselle, on s'y emploie. Finalement, vous voilà. Soyez le bienvenu, cher proviseur. Merci. Donc, je ne vous dérange pas? Vous? Vous n'avez pas honte? Aimable, comme toujours. Rosmer est peut-être là-haut dans sa chambre? Non, il est sorti se promener. Il est un peu plus long qu'à l'habitude, mais il ne va pas tarder. S'il vous plaît, prenez place en attendant. Grand merci. Hey, vous avez joliment arrangé ce vieux salon. Il y a des fleurs partout. Rosmer aime tant être entourée de fleurs fraîchement écloses. Vous aussi, je crois. Oui, elles m'étourdissent délicieusement. Avant, nous aurions dû nous refuser ce plaisir. La pauvre Béate n'en supportait pas l'odeur. Elle en était toute troublée. Je m'en souviens, oui. Eh bien, comment vont les choses ici? Ici, tout suit son cours, paisible et régulier, jour après jour. Et chez vous, votre femme? Oh, chère mademoiselle West, ne parlons pas de moi ni des miens. Dans une famille, il y a toujours quelque chose qui cloche. Surtout par ces temps que nous vivons maintenant. Pourquoi n'êtes-vous pas venu nous voir une seule fois de toutes les vacances? Oh, il ne faut pas forcer la porte des gens. Si vous saviez comme vous nous avez manqué. Et puis, j'étais en voyage. Oui, 2 ou 3 semaines. Vous avez écumé les réunions électorales, paraît-il. Et qu'est-ce que vous dites de ça? Auriez-vous pensé qu'en vieillissant, je deviendrais un agitateur politique, hein? Vous avez toujours fait un peu d'agitation, proviseur. Eh bien oui, comme ça, pour mon plaisir personnel, mais désormais, c'est sérieux. Vous arrive-t-il de lire ces journaux radicaux? Cher proviseur, je ne puis nier que... Oh, chère mademoiselle West, je n'y trouve rien à redire s'agissant de vous. Non, c'est aussi mon avis. Il faut bien que je m'informe. Que je sois au courant. En tout état de cause, je n'exige pas de vous, qui êtes une femme, de prendre résolument parti dans cette lutte politique. Cette guerre civile, serais-je tenté de dire, qui fait rage ici. Mais vous avez donc lu comment ces messieurs du peuple ont pris plaisir à m'injurier? Quelles infâmes grossièretés ils ont cru pouvoir se permettre. Oui, mais il me semble que vous leur avez vigoureusement répliqué. C'est vrai, j'ose le dire, parce que maintenant, j'ai pris goût au combat. Et ils verront que je ne suis pas homme... Attendre l'autre jour. Bon, mais n'entamons pas ce soir ce sujet lamentable et navrant. Non, n'en parlons pas, cher proviseur. Dites-moi plutôt, comment vous vous sentez ici à Rosmersholm, depuis que vous y êtes seul, depuis que notre pauvre Béate... Merci, je m'y sens assez bien. Certes, elle a laissé un grand vide, à bien des égards, et un manque, et une tristesse aussi, naturellement, mais sinon... Pensez-vous rester ici? Définitivement, je veux dire... Cher proviseur, je n'envisage rien, ni dans un sens, ni dans l'autre, mais je suis tellement familière des lieux qu'il me semble que j'en fais partie, moi aussi. Oui, c'est bien mon sentiment. Et tant que M. Rosmer trouvera que ma présence peut lui être utile et agréable, eh bien, je pense que je resterai. Savez-vous quoi? C'est quelque chose de grand pour une femme, de laisser ainsi s'écouler toute sa jeunesse au service des autres. Quelle autre raison pourrais-je avoir de vivre? Ben, vous aviez dû déjà supporter un père adoptif, paralysé et intraitable. Vous n'allez pas croire que le docteur West était si intraitable là-haut, dans le Finnmark. Ce sont ces terribles voyages en mer qui l'ont brisé. Mais quand nous nous sommes installés par ici, oui, il y a eu quelques années difficiles avant que ces souffrances ne cessent. Et les années qui ont suivi n'ont-elles pas été plus difficiles encore? Non. Comment pouvez-vous dire ça, moi qui aimais si tendrement Béate? Et elle, la pauvre, avait si tristement besoin de soins et d'affection. Je vous remercie et je vous loue de l'évoquer avec tant d'indulgence. Cher proviseur, vous dites cela si joliment, si cordialement, qu'il n'y a, j'en suis certaine, aucune animosité sous-jacente. De l'animosité? Que voulez-vous dire? Oh, qu'il n'y aurait rien de surprenant que vous trouviez pénible de me voir, moi, une étrangère, régenter la vie de Rosmer Solm. Mais comment avez-vous pu... Donc il n'en est rien, merci, cher ami. Merci, merci. Mais comment avez-vous pu vous mettre une telle idée en tête? La crainte m'en est venue, voyant que vos visites se faisaient rares. Mais vous vous êtes en vérité joliment fourvoyée, mademoiselle West. Et d'ailleurs, qu'y a-t-il de changé ici? C'était vous déjà, et vous seule, qui dirigiez cette maison pendant les malheureuses dernières années de la pauvre Béate. C'était davantage une sorte de régence exercée au nom de la maîtresse de maison. Quoi qu'il en soit, savez-vous quoi, mademoiselle West? Pour ma part, je n'aurais vraiment rien contre le fait que vous... Bon, mais il n'est peut-être pas convenable d'en parler. Que voulez-vous dire? Ben, s'il pouvait se faire que vous preniez la place vide... J'ai la place que je désire, monsieur le proviseur. Ah, la fonction, oui, mais pas le... Vous devriez avoir honte. Comment pouvez-vous plaisanter sur ces choses? Il est vrai, notre bon Johannes a du mariage une expérience amplement suffisante, et pourtant... Vous savez quoi? Vous me faites presque rire. Et pourtant, dites-moi, mademoiselle West, sans être indiscret, quel âge avez-vous, au juste? J'ai honte à le dire, j'ai 29 ans révolus. Je suis dans ma 30e année. Bien, bien. Et Rosmer, quel âge a-t-il? Voyons, il a 5 ans de moins que moi. Il a donc bel et bien 43 ans. Non, à mon avis, ça irait bien. Hein. Certainement, certainement, ça irait parfaitement. Prendrez-vous le thé avec nous ce soir? Oui, merci. J'avais pensé m'attarder. Il y a une affaire dont il faut que je parle avec notre bon ami. Et puis, mademoiselle West... Pour qu'il ne vous vienne plus de mauvaises pensées, je tâcherai de venir ici très souvent, comme dans le temps. Ah oui, faites-le. Merci, merci. Vous êtes vraiment gentil tout de même. Ah bon? C'est plus qu'on ne m'en dit chez moi. Monsieur Rosmer, voyez-vous qui est là? Madame Elset me l'a dit. Merci de revenir dans cette maison, mon cher Kroll. Cher vieil ami, je savais bien qu'un jour, tout serait comme avant entre nous. Mais, mon ami, as-tu, toi aussi, été assez fou pour imaginer je ne sais quoi en travers de nous? Tu l'entends? Qu'il est bon de savoir que ça n'était qu'imagination. Mais c'est bien vrai, Kroll. Mais pourquoi alors s'être tenu à l'écart de nous? Parce que je ne voulais pas être ici le souvenir incarné de tes malheureuses années et de celle qui a fini dans le torrent du moulin. Mais c'était une belle attention. Tu es toujours si plein de tact. Mais ce n'était pas une bonne raison pour te tenir à l'écart. Viens, asseyons-nous. Non, en vérité, cela ne me tourmente pas de penser à Béate. Nous parlons d'elle tous les jours. Elle fait encore partie de la maison, nous semble-t-il. Vraiment? Ah oui, nous parlons d'elle. Et c'est bien naturel. Nous l'aimions tant tous les deux. Et aussi bien Rebé, aussi bien mademoiselle West que moi, nous avons conscience d'avoir fait tout notre possible pour la pauvre malade. Nous n'avons rien à nous reprocher. C'est pourquoi il me semble si doux maintenant de penser à Béate. Vous êtes des gens admirables. Désormais, je viendrai vous voir tous les jours. Bon, nous verrons bien si vous tiendrez parole. Kroll, j'aurais tellement voulu que nos relations ne soient jamais interrompues. Tu as toujours été pour moi de bons conseils depuis que nous nous connaissons. Depuis l'époque où j'étais étudiant. C'est vrai, et j'y suis très attaché. Y a-t-il quelque chose en particulier dont Il y a tant de choses dont je voudrais te parler, franchement, comme ça, à cœur ouvert. Oui, n'est-ce pas, monsieur Rosmer? Ça doit être bon, entre vieux amis. Bon, tu peux bien te l'imaginer, j'ai moi aussi beaucoup de choses à te dire. Je suis entré en politique, comme tu le sais sans doute. Mais oui, je sais comment est-ce arrivé. Il l'a fallu, vois-tu. Il l'a fallu malgré moi. Il n'est plus possible aujourd'hui de rester un spectateur passif. Maintenant que les radicaux sont arrivés au pouvoir, maintenant, il est grand temps. C'est pourquoi j'ai incité notre petit cercle d'amis en ville à se regrouper. Il est grand temps, vous dis-je. Il est même un peu tard, en réalité. Bon, indéniablement, il aurait été plus heureux d'arrêter le torrent un tantinet plus tôt, mais qui pouvait prévoir ce qui allait advenir? Pas moi, en tout cas. Maintenant, j'ai pour de bon les yeux ouverts, car maintenant, l'esprit de révolte a même gagné le lycée. Le lycée? Mais pas ton lycée, tout de même. Mais si, mon propre lycée, qu'en dis-tu? J'ai découvert que les garçons de classe terminale, enfin du moins une partie d'entre eux, ont fondé depuis plus de 6 mois une société secrète. Et qu'ils sont abonnés au journal de Mortensgaard. Oh, le phare? Oui. Ne trouvez-vous pas que c'est une saine nourriture spirituelle pour de futurs serviteurs de l'État? Mais savez-vous le plus triste de l'affaire? Ce sont tous les garçons doués de la classe qui se sont ligués contre moi. Seuls les cancres et les attardés sont restés en dehors. Cette affaire vous affecte donc tant, proviseur? Si cela m'affecte, me voir ainsi entravé et contrecarré dans l'œuvre de ma vie. Mais je pourrais bien dire que ça m'est égal, car il y a pire. Personne n'écoute aux portes. Certainement pas. Alors, sachez que la révolte et la discorde ont gagné ma propre maison, mon propre foyer. Elles sont venues troubler la paix de ma vie familiale. Que dis-tu? Ta propre maison? Cher ami, que s'est-il passé? Figurez-vous que mes propres enfants... Bref, Loritz est à la tête de ce complot lycéen. Et Hilda a brodé un couvre-livre rouge pour cacher le phare. Je n'aurais jamais imaginé que chez toi, dans ta maison... Ah non, qui aurait bien pu l'imaginer? Dans ma maison, où toujours ont régné l'obéissance et l'ordre, où une volonté de concorde jusque-là a toujours prévalu. Et comment réagit votre femme? Eh bien, c'est le plus incroyable de tout. Elle qui, toute sa vie, dans les grandes comme dans les petites choses, a partagé mes opinions, approuvé toutes mes idées, elle n'est pas loin de se ranger du côté des enfants. Et elle rejette sur moi la faute. Elle dit que je brime la jeunesse. Ça, comme s'il n'était pas indispensable de... Ça! Bon, enfin, voilà comment la révolte s'est installée chez moi. Mais bien entendu, j'en parle le moins possible. Mieux vaut étouffer l'affaire. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Fais-le. Mais pas ce soir. Si, justement. Voilà, mon cher Rosmer, maintenant, tu sais à quel point l'esprit du temps a jeté ses ombres tant sur ma vie de famille que sur ma fonction. Et cet esprit du temps, décadent, subversif et dégradant, je ne le combattrai pas avec toutes les armes dont je dispose. Sois sûr que je le ferai, par la parole et par la plume. Et donc, tu espères aboutir à quelque chose de cette façon? Je veux en tout cas remplir mes obligations de défense civique. Et j'estime qu'il est du devoir de tout patriote et de tout honnête homme soucieux de la bonne cause d'en faire autant, vois-tu? C'est un peu pour ça que je suis venu te voir ce soir. Mais, mon cher ami, que veux-tu dire? Qu'est-ce que je dois... Tu dois aider tes vieux amis. Faire comme nous autres, donner un coup de main de ton mieux. Mais vous connaissez bien la répugnance de M. Rosmer pour ce genre de choses. Ah ben, cette répugnance, il va falloir qu'il la surmonte maintenant. Tu ne te tiens pas assez au courant, Rosmer. Tu restes ici, emmuré entre tes collections historiques. Dieu m'en garde, j'ai le plus grand respect pour les arbres généalogiques et leurs implications. Mais le temps n'est plus à ces sortes d'occupations. Malheureusement, tu n'as pas la moindre idée de ce qui se passe dans le pays. On assiste, pour ainsi dire, à un renversement de toutes les valeurs. Il va falloir un travail de titan pour extirper toutes ces illusions. Je le crois aussi, mais un travail de ce genre n'est pas fait pour moi. Et puis, je crois bien que M. Rosmer en est venu à voir les choses de la vie d'un œil plus ouvert qu'avant. Plus ouvert? Oui, ou plus libre, plus indépendant. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Rosmer? Tu n'as tout de même pas eu la faiblesse de te laisser abuser par le fait que les meneurs de foule ont remporté une victoire provisoire. Mon cher, tu sais bien que je m'y entends peu en politique. Mais il me semble que ces dernières années, les gens ont acquis un peu plus d'indépendance dans leur façon de penser. Ah bon? Et tu considères sans doute que c'est un bien. Mais tu te trompes lourdement, mon ami. Renseigne-toi donc un peu sur les opinions qui ont cours parmi les radicaux, ici en dehors comme en ville, ce ne sont rien d'autre que les thèses défendues par le phare. Oui, Morton's Gord a une grande influence sur bien des gens par ici. Ben oui, pensez donc à un homme au passé si trouble, un individu contraint d'abandonner son poste d'instituteur pour une affaire de mœurs, voilà qu'il se met à jouer les leaders populaires et ça marche. Ça marche, réellement. Il pense même à grandir son journal, paraît-il. Je sais de source sûre qu'il cherche un collaborateur compétent. Je trouve étrange que vous et vos amis n'ayez encore rien tenté contre lui. Mais c'est justement ce que nous allons faire. Aujourd'hui même, nous avons racheté la Gazette régionale. Bon, non, mais la question du financement n'a pas posé problème. Mais voilà, j'en arrive au but de ma visite. C'est la direction du journal qui nous embarrasse, vois-tu. Dis-moi, Rosmer, est-ce que pour la bonne cause, tu n'accepterais pas de la prendre? Moi? Mais vous n'y pensez pas. Bah, que tu aies horreur des réunions populaires et que tu ne veuilles pas t'exposer aux douceurs qu'on y recueille, c'est assez naturel. Mais le poste plus en retrait de rédacteur, ou pour mieux dire... Non, non, mon cher, ne me demande pas ça. Je me serais volontiers impliqué dans cette direction, mais ce sera insurmontable pour moi. Je suis déjà débordé par toutes sortes de tâches. Nous autres, bien entendu, nous t'aiderons de notre mieux. Je ne peux pas, Kroll. J'en suis incapable. Ah, incapable. Tu disais la même chose quand ton père t'a procuré la charge de pasteur. J'avais raison, et c'est pourquoi j'en suis parti. Si tu es aussi bon rédacteur que tu étais pasteur, alors nous serons satisfaits. Mon cher Kroll, je te le dis une fois pour toutes, je ne le ferai pas. Bon, mais tu nous prêteras au moins ton nom. Mon nom? Ah oui. Le nom de Johannes Rosmer serait déjà un plus pour notre journal. Nous autres, nous sommes trop marqués politiquement. Moi-même, je passe tout particulièrement pour un furieux fanatique. C'est pourquoi il est inutile d'espérer, si nos noms figurent, à avoir une influence quelconque auprès des masses. Toi, en revanche, tu es toujours resté en dehors du combat. Ta douceur, ta droiture, ton esprit de finesse... Ta probité irréprochable sont connues et appréciées de tous, sans compter sur le respect et la considération que te vaut ta charge antérieure de pasteur. Et puis enfin, il y a le prestige du nom que tu portes. Oh, le nom que je porte! Les Rosmer de Rosmersholm. Des pasteurs et des officiers, de hauts dignitaires de l'État, des hommes d'honneur, tous. Une famille qui, depuis bientôt 2 siècles, est une des premières de la région. Rosmer, par respect envers toi-même et envers les traditions de ta famille, tu te dois de prendre part à la défense de tout ce qui, jusque-là, a cimenté notre société. Qu'en dites-vous, mademoiselle West? Mon cher proviseur, pour moi, tout cela est indiciblement drôle à entendre. Mais comment ça, drôle? Oui, maintenant, je vous dirai franchement que... Non, non! Laissez! Pas maintenant! Mais que se passe-t-il, mes amis? Il y a un homme à l'entrée de service. Il dit qu'il veut saluer le pasteur. Ah bon? Eh bien, priez-le d'entrer. Ici, au salon? Mais oui. Mais il n'a pas l'air d'un homme qu'on peut laisser entrer au salon. Quel air a-t-il donc, madame Elsette? Oh, l'air d'un pas grand-chose, mademoiselle. Il n'a pas dit son nom? Si, je crois qu'il a dit s'appeler Ekman, ou quelque chose comme ça. Je ne connais personne de ce nom. Et il a dit s'appeler Ulrich aussi. Ulrich Ekman, c'est bien ça? Oui, Ekman, c'est ça! Ah, ce nom, je crois l'avoir entendu déjà. Oui, n'est-ce pas le nom de plume de cet homme étrange? Oui, c'est le pseudonyme d'Ulrich Brendel. De ce dépravé d'Ulrich Brendel, très juste. Alors, il vit encore? Je croyais qu'il faisait partie d'une troupe de comédiens ambulants. La dernière fois que j'en ai entendu parler, on l'avait interné dans un pénitencier. Priez-le d'entrer, madame Elsette. Très bien! Non, mais tu tolères la présence de cet individu dans ton salon? Mais tu sais bien qu'il a été mon précepteur un temps. Je sais qu'il t'a bourré le crâne d'idées révolutionnaires et que ton père l'a chassé à coups de cravache. Mon père était un militaire, ici aussi, dans sa famille. Remercie-le jusque sur sa tombe, mon cher Rosmer. Bon, ouais. Bonjour. Bonsoir, Johannes. Pardon? Tu ne t'attendais pas à me voir, hein? Et surtout dans ces murs détestés. Ah, pardon, là. Exact, le voilà. Johannes, mon garçon, toi que j'ai le plus aimé. Mon vieux maître. Malgré certains souvenirs, je ne voulais pas passer devant Rosmerson sans y faire une courte visite. Mais vous êtes ici cordialement le bienvenu, soyez-en sûr. Ah, et cette séduisante dame, madame la pastoresse, naturellement. Mademoiselle West. Une proche parente, sans doute. Et cet inconnu, un gros frère, à ce que je vois. Le proviseur Kroll. Kroll. Attendez un peu. Avez-vous étudié la philologie dans votre jeunesse? Oui, en effet. Mais, Donnervet, alors je te connais. Pardon. Ah, tu étais bien. Pardon. Là, de ces trabants de vertu qui m'ont fait exclure de l'université. C'est bien possible, mais je proteste contre toute familiarité. Allons, l'arbre libre, comme vous voudrez, monsieur le docteur. Ça m'est bien égal. Ulrich Brendel n'en restera pas moins l'homme qu'il est. Vous avez sans doute l'intention de vous rendre en ville, monsieur Brendel. Madame la pastoresse a touché juste. À certaines périodes, je suis forcé de me battre pour survivre. Je ne le fais pas de gaieté de cœur, mais finalement, l'implacable nécessité... Cher monsieur Brendel, permettez-moi de vous aider d'une manière ou d'une autre. Hé, quelle proposition? Pourrais-tu vouloir souiller le lien qui nous unit? Jamais, Johannes, jamais! Mais que pensez-vous faire en ville? Croyez-moi, il ne vous sera pas si facile. C'est mon affaire, mon garçon. Alia jacta est. Tel que tu me vois, je suis en route pour un grand voyage. Plus grand que toutes mes pérégrinations passées réunies. Oserais-je demander à monsieur le professeur Unter uns, y a-t-il une salle de réunion à peu près décente, respectable et suffisamment vaste dans votre honorable ville? Oui, la plus vaste est celle du syndicat des travailleurs. Et monsieur le maître des conférences a-t-il quelque influence qualifiée auprès de cette association certainement très utile? Je n'ai aucun rapport avec elle. Il faut vous adresser à Peder Mortensgaard. Excusez, signora. Qui est cet idiot? Mais pourquoi pensez-vous que c'est un idiot? Je ne suis pas sourd. Ce nom trahit le plébéien. Je ne m'attendais pas à cette réponse. Mais je me dominerai. Que faire d'autre? Quand on se trouve, comme moi, à un tournant de sa vie, c'est décidé. Je vais me mettre en relation avec la personne engagée des pourparlers directs. Mais êtes-vous vraiment pour de bon à un tournant de votre vie? Mon garçon, ne sait-il pas que lorsque Ulrich Brendel s'y met, il s'y met pour de bon? Écoute bien, je vais devenir un autre homme. Sortir de la réserve discrète que j'ai observée jusqu'ici. Mais comment? Je veux prendre la vie à bras le corps, m'exposer, m'engager. C'est un temps d'équinoxe chargé d'orage que nous vivons. Je veux déposer mon obol sur l'autel de la liberté. Ah, vous voulez vous aussi? L'assistance a-t-elle quelques connaissances précises de mes écrits et pas? Non, je vous avoue sincèrement... J'en ai lu plusieurs, car mon père adoptif les avait. Belle dame. Alors vous avez perdu votre temps. C'était que des broutilles, je vous le dis. Vraiment? Ce que vous avez lu, oui. Les ouvrages importants, personne ne les connaît. Aucun homme ni aucune femme. Personne en dehors de moi. Comment cela? Parce qu'ils ne sont pas écrits. Mais cher monsieur Brend... Tu le sais, Yola, je suis un genre de sybarite. Un feinschmecker, j'ai toujours été... J'aime jouir dans la solitude, car alors ma jouissance redouble, décuple. Tu vois, quand les rêves dorés descendaient sur moi, m'étourdissaient, quand des pensées nouvelles, vertigineuses, prophétiques naissaient en moi, m'emportaient dans un grand battement d'ailes, je transformais en poème, en vision, en image, à grands traits. Tu comprends? Oui, oui, oui. Oh, comme j'ai joui de la vie, comme je l'ai savouré. L'énigmatique félicité de la création, à grand trait, bien sûr. Les applaudissements, les remerciements, la renommée, la couronne de laurier, j'ai tout accueilli, les mains tremblantes de joie. Je me suis rempu de mes visions solitaires avec une joie d'une ampleur vertigineuse. Mais sans jamais rien coucher par écrit. Pas un mot. Cette plate besogne de l'écrivain m'a toujours donné la nausée. Et d'ailleurs, pourquoi aurais-je profané mes propres idéaux quand je pouvais en jouir en pure perte et pour moi seul? Mais à présent, je vais les sacrifier. En vérité, je me sens comme une mère qui va confier sa fille au bras d'un époux. Mais je les sacrifie malgré tout. Les sacrifie sur l'autel de la liberté. Une série de conférences ciselées à travers tout le pays. C'est grand de votre part, Monsieur Brendel. Vous donnez ce que vous possédez de plus précieux. Une chose unique. Combien sont-ils qui le font? Qui osent le faire? Qui sait? L'assistance est émue. Ça me réchauffe le cœur. Et me conforte. Et là-dessus, je passe donc à l'action. Et une chose cependant. Dites-moi, monsieur le précepteur, y a-t-il en ville une ligue d'abstinence? D'abstinence totale? Ça doit bien exister. Oui, pour vous servir, j'en suis le président. À vous voir, je m'en doutais. Mais il n'est pas impossible que je vienne m'inscrire chez vous pour une semaine. Ah, pardon, nous n'acceptons pas de membres à la semaine. Tantôt, mais le seigneur pédagogue, Louis Brendel n'a jamais forcé les portes de ce genre d'association. Mais je n'ose pas prolonger mon séjour dans cette maison si riche de souvenirs. Faut que j'aille en ville me choisir un logis convenable. Il doit bien se trouver un hôtel décent. Vous boirez bien quelque chose de chaud avant de partir. Quel genre de boisson chaude, ma gracieuse? Une tasse de thé ou bien... Non, je remercie la généreuse hôtesse de la maison, mais j'aime pas abuser de l'hospitalité des gens. Portez-vous bien, messieurs, dames. Oh, bon sang, j'ai oublié. Johannes. Pasteur Hosmer. Veux-tu rendre un service à ton vieux maître au nom d'une vieille amitié? Oui, bien volontiers. Bon, alors prête-moi pour un jour ou deux une chemise à manchettes repassée. C'est tout? Parce que vois-tu, je suis venu à pied cette fois-ci. On m'expédie la malle plus tard. Oui, mais vous ne voulez rien d'autre. Si, sais-tu quoi? Tu pourrais peut-être te passer d'un vieux manteau d'été usagé? Oui, certainement. Et s'il y avait une paire de bottes décentes pour aller avec le manteau? On va trouver ça. Sitôt que nous aurons l'adresse, nous vous enverrons les affaires. Mais pas du tout, ne vous dérangez pas, pour moi, j'emporterai ces bagatelles. Bien, mais voulez-vous m'accompagner là-haut? Non, non, laissez-moi faire, Madame Elsette et moi allons nous en occuper. Oh, jamais je ne permettrai que cette dame distinguée... Mais quoi, venez, Monsieur Brendel. Mais dites-moi, n'y a-t-il pas d'autres services que je puisse vous rendre? À la vérité, je ne vois pas. On fait la damnation tout bien réfléchi, Johannes. Tu n'aurais pas 8 couronnes sur toi par hasard? Voyons. Voici 2 billets de 10 couronnes. Oui, oui, c'est égal, je les prends. On trouve toujours à faire de la monnaie en ville. Merci, en attendant. Rappelle-toi que j'ai reçu 2 billets de 10. Hein? Bonsoir, mon cher garçon. Bonsoir, très honoré, monsieur. Bonté divine. Voilà donc cet Ulrich Brendel dont les gens croyaient qu'il deviendrait un grand homme. Il a eu le courage, en tout cas, de vivre sa vie à sa guise. Ce n'est déjà pas rien. Comment? Une vie comme la sienne? Je ne suis pas loin de croire qu'il est de taille à bouleverser tes idées, encore une fois. Oh non. Maintenant, je suis sûr de mes convictions. Je l'espère bien, mon cher Hosmer, car tu es si réceptif à ce qui t'impressionne. Asseyons-nous. J'ai hâte de parler. Volontiers. Tu ne trouves pas qu'on est bien ici? Oui, on est bien ici. Maintenant. et au calme. Tu as trouvé un foyer, Rosmer. Et moi, j'ai perdu le mien. Mon cher, ne dis pas cela. La blessure finira par se refermer. Jamais, jamais le fer restera dans la plaie. Rien ne sera plus comme avant. Écoute, Kroll, nous avons été si proches l'un de l'autre pendant tant et tant d'années. Crois-tu pensable que notre amitié puisse se briser? Je ne vois rien au monde qui pourrait la rompre. Pourquoi dis-tu ça? Parce que tu tiens tellement à ce que l'on partage tes opinions et tes points de vue. Eh bien oui, mais nous deux, nous sommes en général d'accord. Du moins, sur les questions essentielles. Non, plus maintenant. Comment? Non, ne bouge pas, je t'en prie, Kroll. Non mais qu'y a-t-il? Je ne te comprends pas, parle clair. Mon âme connaît un nouvel été, une nouvelle jeunesse. Et c'est pourquoi je me tiens maintenant, là. Où? Où te tiens-tu? Là où tes enfants se tiennent. Toi? Toi, mais c'est impossible. Où te tiens-tu, dis-tu? Du même côté que Loritz et Hilda. Renégat. Johannes Rosmer, le renégat. J'aurais dû me sentir si gai, si puissamment heureux de ce reniement, comme tu l'appelles. Mais j'en ai cruellement souffert, car je savais qu'il te causerait une amère douleur. Rosmer, Rosmer, je ne m'en remettrai jamais. Que toi aussi, tu puisses vouloir prêter la main à l'œuvre de corruption et de destruction qui mine ce malheureux pays. C'est à une œuvre de libération que je veux participer. Oui, oui, je sais bien, ainsi parlent les corrupteurs et les égarés. Mais crois-tu qu'une libération quelconque puisse advenir de cet esprit du temps qui est en train d'empoisonner toute notre vie sociale? Je ne me rallie pas à l'esprit du temps, ni à aucun camp. Je veux tenter de rassembler les gens de tous bords, unis en nombre et aussi fortement qu'il est possible. Je veux vivre et consacrer toutes mes forces vives à ce seul but, créer une véritable démocratie dans ce pays. Oh, ainsi, notre démocratie ne te suffit pas. Pour ma part, je pense que nous sommes en bonne voie, tous autant que nous sommes, pour finir dans la fange où jusqu'alors la populace se complaisait. Et c'est pourquoi, précisément, j'assigne à la démocratie une vraie mission. Mais quelle mission? Faire de tous les hommes de ce pays des aristocrates. Tous les hommes? Autant que possible, en tout cas. Mais par quels moyens? En libérant les esprits et en purifiant les volontés. Tu es un rêveur, Rosmer. Tu veux, toi, les purifier, toi, les libérer. Non, mon cher, je veux seulement tenter d'éveiller en eux ce désir. Pour le reste, c'est à eux d'agir. Et tu crois qu'ils le peuvent? Oui. Par leur propre force? Oui, par leur propre force, il n'en existe pas d'autre. Mais est-ce parler comme il convient à un pasteur? Je ne suis plus pasteur. Oui, mais... La foi de ton enfance. Je ne l'ai plus. Tu ne l'as plus. Je l'ai abandonné. Contraint de l'abandonner, Kroll. Oui. Oui, oui, bien sûr, l'un ne va pas sans l'autre. Est-ce pour cela que tu as quitté l'Église? Oui, quand j'ai vu clair en moi-même, quand j'ai su avec certitude que ce n'était pas qu'un scrupule passager, et que je ne pourrais ni ne voudrais jamais y échapper, alors je suis parti. Cela fermentait en toi depuis si longtemps, et nous, tes propres amis, n'en avons rien su. Mais Rosmer, Rosmer, pourquoi nous avoir caché la triste vérité? J'ai pensé que cela ne regardait que moi. Et puis, je ne voulais pas te causer, ni à toi, ni aux autres amis, une peine inutile. Je pensais pouvoir continuer à vivre ici, tranquille et heureux, comme avant. Je voulais me plonger dans tous ces ouvrages, qui jusqu'alors avaient été pour moi des livres interdits, véritablement m'imprégner de ce monde immense de liberté et de vérité qui m'était révélé. Renégat! Chaque mot que tu dis l'atteste! Mais pourquoi finalement proclamer ton reniement caché et pourquoi précisément maintenant? Mais c'est toi qui m'y as forcé, Kroll. Moi? Je t'ai forcé? Lorsqu'on m'a parlé de ta violence dans les réunions publiques, lorsque j'ai lu tous les discours haineux que tu y tenais, tes attaques virulentes contre ceux de l'autre bord, avec quel mépris tu condamnais tes adversaires, oh Kroll, que tu en sois arrivé là! Mon devoir s'est imposé. La lutte engagée rend les hommes méchants. Il faut apaiser les esprits, leur apporter la joie, les réconcilier. C'est pourquoi je m'avance et proclame ouvertement qui je suis. Et puis je veux éprouver mes forces, moi aussi. Ne pourrais-tu pas, de ton côté, y contribuer, Kroll ? Jamais je ne pactiserai avec les forces destructrices de la société. Alors, puisqu'il faut se battre, battons-nous du moins avec des armes nobles. Celui qui n'est pas avec moi, quand l'essentiel est en jeu, celui-là, je ne le connais plus. Et je ne lui dois aucun égard. Cela vaut aussi pour moi. C'est toi-même qui as rompu, Rosmer. C'est donc une rupture ? Oui. Une rupture avec tous ceux qui jusque-là étaient proches de toi. À toi d'en subir les conséquences. Voilà, il est en chemin pour son grand sacrifice et nous pouvons passer à table. Je vous en prie, proviseur. Bonsoir, mademoiselle West. Je n'ai plus rien à faire ici. Qu'y a-t-il ? Vous avez parlé ? Il sait tout. Nous n'allons pas te lâcher, Rosmer. Nous te forcerons à revenir parmi nous. Je n'y reviendrai jamais plus. Nous verrons bien. Tu n'es pas homme à supporter de rester seul. Je ne serai nullement seul. Nous sommes deux à partager la solitude ici. Ah. Cela aussi. Les paroles de Béat. Béat ? Non. Pardonne-moi, c'était méchant. Comment ça ? N'en parlons plus. Pardonne-moi. Adieu. Kroll, cela ne peut pas finir ainsi entre nous. Demain, je viendrai te voir. Ne mets plus les pieds chez moi. Ce n'est rien, Rebecca. Nous tiendrons. Nous deux. Amis fidèles. Toi et moi. Que crois-tu qu'il insinuait quand il a dit cela aussi ? N'y pense plus. Il ne croyait pas lui-même à ce qu'il disait. Mais demain, j'irai le voir. Bonsoir. Tu montes si tôt ce soir aussi. Après cela ? Et ce soir, comme d'habitude ? Je suis grandement soulagé d'avoir parlé. Tu le vois ? Je suis parfaitement calme. Prends-le, toi aussi, avec calme. Bonne nuit. Bonne nuit, cher ami. Et dors bien. Vous pouvez débarrasser la table, Madame Elset. Le pasteur ne veut rien prendre et le proviseur est parti. Le proviseur est parti. Mais qu'est-ce qu'il lui a pris ? Il disait qu'il allait y avoir un gros orage. C'est bizarre. Il n'y a pas un seul nuage ce soir. Pourvu qu'il ne rencontre pas le cheval blanc. Car j'ai bien peur qu'ils nous reviennent maintenant, les fantômes. Dieu vous pardonne, mademoiselle. Ne dites pas de telles horreurs. Allons, allons. Oh, mademoiselle, croit-elle vraiment qu'il y a ici quelqu'un qui va mourir bientôt ? Non, pas du tout. Mais il y a tant de sortes de chevaux blancs en ce monde, Madame Elset. Allons, bonne nuit. Je vais me coucher. Bonne nuit, mademoiselle. Jésus, Jésus. Cette demoiselle West, comme elle parle quelquefois.